Je vois ton visage dans mes souvenirs, aussi belle quand tu boutes que quand tu me souris. Et vive loin de toi, nous, c'est impossible, à peine je l'imagine. J'en perds l'équilibre, je bois tes paroles, je vais bien venir ce soir. Je suis sous soi, c'est de la folie. Je bois tes paroles, je vais bien venir ce soir. Je suis sous soi, c'est de la folie. Te quiero, tipo mormonino.